Là en ambiance, quand ça porte de thunes, on t'endort. Chromasultan, là c'est les soldats qu'on m'odore. L'archipel au mic, MC, Tsami. Fais danser l'euro pour les mecs enfermés. Né sur un podium, moi je suis condamné à gagner. Mon blas c'est sultan, donc je suis condamné à régner. MC Dungazidja, j'ai ce qu'il faut et je prends ce qu'il y a. Mon rap c'est pas du CNN, mais d'Al Jazeera. T'iras pas loin si t'écoutes ce que les cons ont dit. Tu meurs, dis, moi qui est le meilleur hurti. Trop d'MC sont morts, ne pense qu'à hanter. Sultan le rap sultan, bonjour en santé. Le quotidien, les keufs, c'est la routine, les feintés. Comme les portes de ma cité, MZ, je veux finir blindé. Des lumières, les rappeurs des îles de la lune. Ton rap c'est comme une mèche, il est que sans plus je l'allume. Je ne cause pas, ne compose pas, le 17 je n'ose pas. Ignorer le tout puissant, mais d'argent arrose-moi. Je pose vous la santé, sur terre au descendé. Tu voulais du lourd, t'as une bouche, fallait demander. Là en ambiance, quand ça porte de thunes, on t'endort. Chroma sultan, là c'est les soldats qu'on m'odore. L'archipel au mic, MC, Tsami. Fais danser l'euro pour les mecs enfermés. Là on t'ambiance, quand ça part de thunes, on t'endort. Chroma sultan, là c'est les soldats qu'on m'odore. L'archipel au mic, MC, Tsami. Fais danser le gros pour les mecs enfermis. Là on t'ambiance, R.A. fait la danse de la délinquance. Classe même en hasse, nous on flirte avec l'élégance. À l'évidence, on attire trop la craquance. Cette fois c'est plus une vague, mais un océan de violence. Menteur tu finis pendu, on rap pas pour les vendus. Tu t'es mis en cavale et au final tu t'es rendu. Des boules là, génération de foule là, boule là. Comme les psychiatres, nous sommes des héros de la luna. On passe crème, surtout là où on traîne. Les condés en civil sont cramés à leur dégaine. Trop frais, avec ce son MC, tu seras refait. Fait. Pas encore fini, tu veux déjà le recommencer. Réunis, c'est Hemi, compare pas à Camini. Le cauchemar c'est la Zermi, donc on rêve de Lamborghini. Respire, dis la vérité, on t'a mis en chier. Va dire à tes copines que Chroma Sultan ça déchire. Là ambiance, quand ça porte de thunes, on t'endort. Chroma Sultan, là c'est les soldats qu'on m'odore. L'archipel au mic, MC, Tsami. Fais danser l'euro pour les mecs enfermés. Là on t'ambiance, quand ça porte de thunes, on t'endort. Chroma Sultan, là c'est les soldats qu'on m'odore. L'archipel au mic, MC, Tsami. Fais danser l'euro pour les mecs enfermis. Pendu à l'heure, cherché ailleurs. Tu t'es gouré, on fait des frayeurs. Tout d'ailleurs, c'est notre tournée. T'entends, t'attends qu'on arrive à temps. Détends-toi, y'a de la vie, y'a de l'espoir. Donc vas-y, reprends-toi. Chroma, la dalle y'a rien dans l'estomac. La France nous endort, en plus nous laisse dans le coma. On nique tout, dommage. Tu s'en rends hommage. T'as rappelé quoi toi, apparemment sans deux. Fromage, combat, dédicacé à tout le Jumba. Ishiya, à la Fuji, notre mafia. Mitsuche, Kenbeni, Moroni, Fumbu. Chou le cartala, on est hella. N'est-ce pas la famille? C'est l'état français et c'est pas nous les sadiques. Donc on représente les escrocs des ascétiques. Une lune, quatre étoiles sur le drapeau, notre logo. J'confirme, tu comment rien, tu peux pas tester le drogue. Y'a d'ambiance quand ça porte de thunes, on t'endort. Chroma sultan, là c'est les soldats qu'on m'odore. L'archipel au mic, MC, Tsami. Fais danser l'euro pour les mecs enfermés. Là on t'ambiance quand ça porte de thunes, on t'endort. Chroma sultan, là c'est les soldats qu'on m'odore. L'archipel au mic, MC, Tsami. Fais danser l'euro pour les mecs enfermis. Là on t'ambiance quand ça porte de thunes, on t'endort. Chroma sultan, là c'est les soldats qu'on m'odore. L'archipel au mic, MC, Tsami. Fais danser l'euro pour les mecs enfermés. Là on t'ambiance quand ça porte de thunes, on t'endort. Chroma sultan, là c'est les soldats qu'on m'odore. L'archipel au mic, MC, Tsami. Fais danser l'euro pour les mecs enfermis.